franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana, in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu. Il est joli ce prénom de Marianne. Marianne, symbole de la France, tout un symbole. Yeah ! Mais que Marianne était jolie quand elle chantait dans les rues de Paris. Michel Delpech, je l'aime tant, tu l'imites tellement bien, c'est dingue. Yeah ! Mais que Marianne était jolie quand elle chantait dans les rues de Paris. Superbe. Et oui, de grandes gloires françaises lui ont prêté leurs traits. Brigitte Bardot, Mireille Mathieu, Catherine Deneuve, Inès de la Fressange, Sophie Marceau ou encore l'envoûtante Evelyne Thomas. Elles n'ont prêté que leur visage puisque Marianne a toujours conservé son célèbre buste, en partie dénudé, laissant paraître un sein lourd et conquérant, dressé vers un avenir que l'on croyait meilleur. Un sein héroïque, très probablement gorgé de lait, puisqu'il représente à la fois le symbole de la mère nourricière et de l'émancipation de la femme, une femme dont le sein offert à la plèbe qui se tend vers... Et Marianne nous appelle d'Aix-en-Provence, Aix, la ville du fromage. Oui, aujourd'hui on peut y visiter, aussi incongru que cela puisse paraître, le musée du Calisson. Ah oui, du Calisson. Bon, vous saviez ça, Marianne ? Bah ouais. On est à Aix. Eh oui, c'est curieux. Allô ? Je suis sur écoute, là, c'est bon ? Coûte que coûte. Voilà. Alors, je vous appelle parce que je suis inquiète parce que mon voisin de palier devient de plus en plus paranoïaque. D'accord, c'est encore un problème de voisinage, ça, c'est plutôt pour toi, Marga. Alors, qu'est-ce qui vous permet, chère Marianne, de conclure à une attitude de paranoïaque de ce voisin ? Bah, tout. C'est-à-dire, j'ai des dizaines d'exemples. Quand je rentre, il me guette derrière la porte et je vois une ombre derrière son judas. Quand je sors, je l'entends qui décroche son interphone pour m'écouter jusque dans le hall de l'immeuble et être sûr que je m'en vais. Ensuite, dans la rue, ravelote, quand je me retourne et que je regarde derrière sa fenêtre, je vois le rideau bouger. Là, ça devient infernal. Vous en avez parlé à quelqu'un dans votre entourage ? Alors attention, parce que les paranoïaques peuvent être très dangereux. Alors, je suis allée me plaindre à la concierge. Mais la concierge m'a dit que je me faisais des idées, que c'était un monsieur très bien. Et ça m'a rassurée. Et du coup, je me suis moins méfiée. Aïe. Et bah ouais, une semaine après, ça recommençait. Voilà. Des coups de fil, des coups de téléphone bizarres. Dès que je décrochais, on me disait que c'était le service clientèle. Ou bien ma boîte aux lettres, bourrée de prospectus. Oh là là là. Alors bon, je suis retournée voir ma concierge, et c'est là que j'ai compris qu'elle était copain comme cochon avec mon voisin, et qui parlait dans mon dos, et qui s'arrêtait net quand je m'approchais. Ah, oh, dis donc. Vous voyez Alors, un jour, je suis rentrée chez moi, et là, j'ai remarqué que la lunette des toilettes était relevée. Oh là là. Ouais, ouais. Et comme la concierge avait un double des clés... Ouais, vous le lui avez repris, j'espère. Ah bah ouais, je suis pas folle. Et je suis allée voir mon voisin et je lui ai dit qu'il fallait qu'ils arrêtent leur petit manège. Là. Bah oui. J'avais tout vu. Ouais. Vous savez ce qu'il m'a répondu ? Non. Il m'a répondu, vous êtes complètement parano. Ah oui, oui, bah alors ça, c'est typique des paranoïaques qui sont persuadés que ce sont les autres qui sont paranoïaques. Ça s'appelle l'effet miroir. Alors, Marianne, je vous conseille de noter tout ce qui vous paraît suspect, tout ce qui pourrait ressembler à une coïncidence, alors qu'on sait bien que ça n'en est pas une. Et puis ensuite, vous le montrerez, ce carnet, au voisin, et vous lui direz, alors, c'est qui est parano ? Exactement. Puis vous savez que là, j'en aurais des trucs à écrire dans mon carnet, parce que par exemple, au deuxième étage, il y a une famille nombreuse, et j'ai vraiment l'impression que la mère ne se lave pas. Ne lave pas ses enfants. Du coup, Les bactéries peuvent se propager à tout moment. Moi, je ne vis plus. Mmh. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas 36 solutions, Marianne. Est-ce que la ville d'Aix participe au programme Voisin Vigilant ? C'est quoi ? Eh bien, puisque la police est déjà débordée, il faut bien que les citoyens s'organisent entre eux pour assurer leur sécurité. Alors on nous dit, oui, attention, ne tombons pas dans l'hypersécurisation digne des milices d'une période sombre de notre histoire. Mais excusez-moi, vous ne trouvez pas qu'on y est déjà dans une période sombre, là ? Oh, si. Bon, alors organisez-vous avec vos voisins, de l'immeuble d'en face, hein, du coup, pour mettre en place des patrouilles de surveillance. Voilà, et puis installer des caméras, comme à Monaco. Vous savez qu'il n'y a plus de paranoïa à Monaco, puisqu'ils n'ont plus peur de rien. Eh oui. Enfin, ils ont encore peur d'être rattrapés par le fisc. Mmh. Oui. Non, mais ça, c'est pas de la délinquance. Mmh. Eh ben, j'ai voulu en faire installer, mais quand je l'ai proposé à l'Assemblée Générale, tout le monde s'est ligué contre moi. Oui. Ben oui. C'est-à-dire que là, on est dans la limite du programme voisin vigilant, puisque là, c'est le voisin, la menace. Ouais, et j'ai entendu dire que nos voisins lointains des Amériques s'en sortent plutôt très bien avec ce programme qu'ils appliquent depuis un moment maintenant. Hein. C'est vrai, bien que ce soit à la base un concept très franco-français, hein, qui a fonctionné à plein régime à une autre époque. Oui, comme quoi, on nous pique tout. Voilà, alors en France, on n'a peut-être pas de pétrole, mais on a des idées. Alors, vous voulez dire que tous les voisins surveilleront tous les voisins ? J'ai déjà l'impression que là, les voisins me surveillent. Et puis, si on ne peut rien faire, ça ne sert à rien de se surveiller. Au moins, quand on voit les Américains, dès qu'il y a quelque chose qui leur paraît louche, ils peuvent tirer. Et nous, on fait quoi ? Nous. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on est très en retard là-dessus. Attendez, hein. Excusez-moi. Oui ? Il y a quelqu'un derrière ma porte, là. Ah. Donc là, je vous laisse. Hein ? D'accord. Bon. Ben, bonne chance, Marianne. Et puis alors, pour rassurer tous nos voisins, une citation de Pierre Corneille. Le trop de confiance attire le danger. Oh oui, bon, alors, ça risque pas. Moi, j'ai mon taser dans mon sac et Dietfried à la maison. Ben, moi aussi, je te protège. Bah, tu vas pas être jaloux d'un chien, Dietfried. C'est Dietfried et toi, c'est toi. Ouais, bon. Et puis merci à Yann Chouquet, notre réalisateur, qui nous protège aussi à sa façon. Merci. Au revoir, Philippe. Au revoir, Margaret. Au revoir à tous. À votre écoute, coûte que coûte. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr. Dans un instant, Philippe Bertrand, carnet de campagne.